Chapitre 7. Le frère Siméon, les pèlerins partis, médita leur récit, leur témoignage et la conclusion de tant d'arguments, qui aboutissaient au même point. Aucun des faits énoncés ne lui semblait incontestable, ni de force à porter le fardeau du raisonnement qui s'épanouit, frêle tige et que ploie ou brise la fleur trop lourde. Cependant, leur réunion valait mieux, et il s'en étonnait, disant « La réunion de tout ce qui ne vaut rien ne vaut rien, comme il est sûr que des prémices négatives, l'on ne déduit que néant. » L'examen d'une dialectique aventureuse l'ennuya. Somme toute, le jour et l'heure de la fin du monde ne l'intéressaient pas d'une façon qu'il eût à s'en faire un souci. Dieu n'ayant pas fixé le jour et l'heure, ou l'ayant fixé, mais sans nous le dire, et par qu'en nous cette recherche. Le frère Siméon, si Dieu l'eût permis, aurait prolongé sans chagrin son séjour ici-bas. Dans l'éventualité de la fin du monde, il éprouvait un regret subtil à se dire que ce printemps serait le dernier dont la beauté le dut réjouir, et qui put, en ce coin bosseron, réclamer ses soins délicats. Mais quoi, n'irait-il pas travailler, âme diligente et habile, dans les vergers éternels? Tout ce qu'il avait de perplexité, il le portait avec une amitié futile et tendre sur l'aventure de Michel et du soldat qu'elle attendait. Le prieur dit au frère Siméon, « Maintenant j'ai compté les jours, et dans 3 semaines, le vendredi saint sera le dernier jour. Je vais l'annoncer aux multitudes. » « Laissez-les donc tranquilles, » répondit le frère Siméon. Le prieur se fâcha. « Craignez-vous de les alarmer? Craignez plutôt, frère Siméon, de tomber dans la mollesse des épicuriens. Si Dieu a pitié de son peuple, aurez-vous plus de sévérité? Il est dit dans nos prières, « Amorte subitanea libera nos domine. » Le péril de la mort subite est le plus redoutable, et si j'en préserve le monde, aurais-je mes faits? Le frère Siméon répliqua, « Mais il est dit, selon saint Luc, il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles. » Le frère Siméon leva les yeux pour attester que nul signe n'avait paru encore au ciel diurne. À ce moment, le prieur et lui aperçurent, qui venait du septentrion plus vite que des chevaux ailés, une grande nuée blanche et noire qui promptement gagnait sur la limpidité bleue du ciel. En peu de temps, elle eut empli tout l'espace. Une rafale se précipita en grêle, drue et faucha le jardin. Le frère Siméon ne bougea qu'autant que le poussait la tourmente. Il était bousculé tout de même que ses pauvres amis les arbres. Il tomba. Il fut à genoux, les mains sur le sol, n'essayant point de lutter ni de résister. Mais en dressant un peu la tête, il vit, blanches ou roses, toutes les fleurs de tous ces arbres emportées par le tourbillon, détachées comme le seront nos âmes de nos corps. Les unes passaient en essaim dense, d'autres à des hauteurs où la violence du vent se relâchait, voltigeait puis défaillait dans la boue, comme des papillons morts. Une reprise de l'ouragan déracina les arbres, les coucha sur leurs branches cassées. La pluie creusa des ravins dans le sol, brouilla le dessin des plates-bandes et changea en chaos affreux un jardin naguère ordonné à l'image d'une gentille intelligence. Après que la tourmente se fut apaisée, le frère Siméon fit l'effort de se relever. Grand effort non pour ses bras ni pour ses jambes, qui obéissaient encore à ses volontés énergiques, mais pour sa triste pensée, qui eut peine à le soutenir. À quoi bon se mettre debout? Il fut debout cependant, vit plus loin qu'il ne l'avait vu la désolation du verger, du potager, le désastre où l'année perdait son espérance. Il pleura, et sur ses joues, dans sa vieille barbe, les larmes se mêlèrent à la pluie. Le prieur vint à sa rencontre et lui dit « Frère Siméon, il y a eu des signes dans le ciel. » Le frère Siméon, sans répondre aucunement, consentit à ne plus débattre de la durée du monde. Il avait vu son jardin dévasté. Que lui importait l'univers? Même il ne songeait plus à Michel et aux soldats, qui tenaient à merci les Sarrasins avant de recevoir de Michel sa récompense d'ici-bas.